petit gamin, trop sait plus qui n'est d'usage, et narguant le long des chemins, tous les amoureux au passage. Ah, de ton nez, tous les nez sont étonnés. Quand il va sous les cieux le soir de la nuit, déchirant les voiles, la lune à ton nez dit bonsoir, et ton nez dit zut aux étoiles. Ah, de ton nez, tous les nez sont étonnés. Il palpite au moindre frisson et tend ses narines frileuses vers l'ivresse des floraisons et le parfum des nuits fiévreuses. Ah, de ton nez, tous les nez sont étonnés. Sur quel moulat il était pris? Vient-il d'Espagne ou de Cocagne? C'est un article de Paris. On fit son baptême au champagne. Ah, de ton nez, tous les nez sont étonnés. Boucher dessine un son contour, l'amour y mit ses ailes folles. En l'honneur des nez d'alentour, vos nez, faites vos cabrioles. Ah, de ton nez, tous les nez sont étonnés. Ah, de ton nez, tous les nez sont étonnés.